à Sainte-Anne pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Terre Végine, Twitter va diffuser des émissions financières télévisées en direct. Au Québec, V veut diffuser, appeler et gagner 24h/24 avec un seul jeu toute la journée. Dans Segment Geek CX, une application qui parle aux conducteurs pour renforcer la sécurité routière. Elle devrait aussi renforcer leur confiance en disant « t'es bon, t'es viril ». Et dans Merci Science, regardez de la porno puis multipliez votre risque de divorcer au Monsieur Planchot tout de suite. Et voici celui qui trouve que t'es beau, t'es bon, t'es viril, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 12 septembre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Terre de Ville, Terre de Jeune, la chronique de sciences, technologie et médecine, Merci Science, et le segment geek CNX. Par contre, pour commencer l'émission, on écoute un peu de musique chiptune. Oui, je sais, pour faire différent. C'est-à-dire inspiré par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce est de la part de Pixel Passion. Non, sur l'album Pixel Passion. Je fais toujours la même erreur avec les Bandcam. Donc, c'est l'album Pixel Passion par Arcade High. On écoute l'extrait titre Pixel Passion tout de suite au Mathieu Planchot sur C'est Fou 89.1. Dreamwave Floatcore Synth Pop de Arcade High avec la première pièce de leur album du même nom, Pixel Passion, en fait. C'est le nom de l'album. Même si on aurait pu penser que ça allait être Pixelated, mais non, c'est Pixel Passion par Arcade High. Mais non, c'est Television, Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec Passepartout sur YouTube. Oui, Passepartout, pour les anglophones, là, goes everywhere. Le Fonds des médias du Canada souhaite célébrer le 150e anniversaire du pays en 2017 en diffusant gratuitement sur YouTube des séries télévisées et des films produits localement. Si tout se passe comme prévu, ces œuvres pourraient être offertes gratuitement sur la très populaire plateforme dès décembre, a indiqué à la presse le chef des communications du FMC, André Ferreira. Il ne faudra toutefois pas s'étonner d'un retard. L'organisme est actuellement plongé dans des négociations avec les représentants de différents ayants droit. L'Union des artistes a notamment convié ses membres à une rencontre à Montréal. Selon le message envoyé par l'UDA à ses membres, l'offre du FMC pourrait inclure des séries variées et très populaires comme Blanche, Dans une galaxie près de chez vous, Fortier, Les Bougons, Les filles de Caleb, Les Invincibles, Les Lavigueurs, Watatatao et Passepartout. Toujours au Québec, un troisième Emmy Award pour le studio montréalais Rodeo FX. Le studio montréalais donc continue de briller sur la scène artistique internationale. Pour une troisième fois en autant d'années, le travail du studio d'effets visuels a été reconnu à Los Angeles lors de la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards, oui. L'avant-gala qui récompense une semaine avant le vrai gala, les artisans de l'ombre des meilleures séries télévisées. Rodeo FX a remporté l'Emmy dans la catégorie meilleurs effets visuels pour son travail sur la série Game of Thrones, le Trône de Fer, diffusée sur HBO. L'épisode soumis était le 9e de la 6e saison, soit Battle of the Bastards. Je ne vais même pas lire le prochain paragraphe parce que ça dit pour les amateurs, blablabla, ce qui s'est passé, je ne lis pas ça. Tu sais, quand même. Près du quart de l'équipe de Rodeo FX est affectée au développement visuel de Game of Thrones, soit une centaine de personnes qui travaillent à plein temps durant 6 mois pour réaliser le mandat qui leur est confié par HBO. D'une saison à l'autre, la barre est de plus en plus haute. L'épisode qui a valu à son équipe la reconnaissance de ses pairs représentait l'un des plus grands défis jamais relevés par les créateurs d'effets visuels montréalais. Le studio étant pour parler avec HBO pour la signature du contrat pour une 7e saison, d'ailleurs. On va au Canada maintenant avec une nouvelle direction à la télévision de Radio-Canada. Cette direction permettra de mettre en place un plan d'action culturel en collaboration avec les différents secteurs. Radio-Canada crée une nouvelle direction au sein du secteur télévision. La direction de la stratégie culturelle de la télévision est confiée à Francine Allaire, qui agira à titre de première directrice. Dans son nouveau rôle, elle aura notamment la responsabilité de proposer de mettre en œuvre une stratégie culturelle nationale pour les chaînes de télé de Radio-Canada. On parle donc de Ici Radio-Canada Télé, Ici RTV et Ici Explora, et les web télé Ici Tout.tv et Ici Tout.tv Extra. Eux autres, ils se compliquent la vie avec leur nom bizarre. La création de la direction de la stratégie culturelle de la télévision permettra de mettre en place un plan d'action culturel en collaboration avec les différents secteurs, ainsi que des propositions de programmation et de projets visant à mieux refléter la diversité culturelle canadienne et autochtone. Francine Allaire œuvre dans le milieu culturel depuis près de 30 ans, dont les 10 dernières à Radio-Canada, où elle a été directrice des émissions dramatiques et longs-métrages, puis, au cours des 7 dernières années, des émissions culture, variété et société. Depuis, Sophie Morras est nommée comme première directrice du secteur culture, variété et société. Sophie Morras a travaillé à Radio-Canada de 2007 à 2012 comme réalisatrice d'émissions télé dont Des Kiwis et des Hommes et Les Docteurs, tout en réalisant des projets chez d'autres diffuseurs dont Les Bobos à Télé-Québec. Elle est revenue au secteur culture, variété et société en 2015 comme chef de contenu et ses nominations entrent en vigueur immédiatement. Toujours au Canada, le CRTC entend les consommateurs sur les forfaits de base en télévision. On en parlait il y a quelques semaines. Un groupe de défense des consommateurs demande au CRTC d'interdire aux fournisseurs de services télé de priver de certains rabais les clients qui optent pour le service minimal de base à 25$ par mois. Cette requête a été présentée alors que le Centre pour la défense de l'intérêt public, tout comme le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos amis du CRTC, révélaient qu'ils avaient été la cible de lettres menaçantes d'au moins 2 fournisseurs qui contestaient le contenu des informations données aux consommateurs sur Internet. Le CRTC tenait des audiences à Gatineau sur la façon dont les fournisseurs de services de télé se sont conformés aux nouvelles exigences entrées en vigueur il y a 6 mois. L'Agence réglementaire fédérale a obligé l'an dernier les fournisseurs à offrir dorénavant un service de télévision de base à un coût maximal de 25$ par mois, excluant l'équipement. Le CRTC et des groupes de consommateurs soutiennent qu'ils ont reçu des centaines de plaintes depuis le 1er mars. Le Centre pour la défense de l'intérêt public a plaidé qu'il serait contraire à l'esprit de la nouvelle réglementation et discriminatoire de priver des rabais offerts aux clients de plusieurs services comme télé, internet, téléphone ou de certains services offerts en prime comme la vidéo sur demande, les clients qui opteraient pour le service économique. Le CRTC voulait justement que l'offre des fournisseurs télé soit plus diversifiée et flexible, soutient l'organisme. Le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a demandé à M. Lawford, qui est le directeur du Centre pour la défense de l'intérêt public, pourquoi son organisme avait retiré de son site internet une page d'information qui comparait les services offerts par différents fournisseurs en disant « Nous avons été menacés par pas de poursuites judiciaires, c'est pas allé aussi loin, mais quand même, il a révélé que le CRTC avait lui aussi reçu des lettres semblables concernant le guide du consommateur publié sur son site en ligne. M. Blais a par ailleurs demandé à M. Lawford pourquoi les fournisseurs devraient offrir les mêmes rabais à tous les clients, peu importe le forfait choisi, alors que les transporteurs aériens, par exemple, ne le font pas. Et bien la différence, a répondu M. Lawford, c'est que les compagnies aériennes augmentent les prix lorsqu'ils ajoutent des services, alors que des fournisseurs de services de télé ont retiré des rabais aux clients choisissait de payer moins cher pour un service sensiblement égal. Vidéotron, Bell, Rogers et Shaw, qui occupent plus des trois quarts du marché de la distribution télé au pays, ont plaidé devant le CRTC qu'ils avaient su tirer des leçons de cette nouvelle approche et qu'ils avaient depuis corrigé le tir. Les fournisseurs rejettent cependant les allégations selon lesquelles ils auraient tenté de rendre leur forfait économique moins attrayant aux yeux des clients intéressés, même si c'est complètement vrai. On l'a entendu, télédistributeurs qui disent à leurs représentants de ne jamais parler de ces offres économiques-là. Les consommateurs se sont aussi plaints que certains fournisseurs, dont Bell, obligent les clients qui veulent opter pour le service minimal à adhérer aussi à d'autres services comme Internet. Or, quelques heures avant le début des audiences du CRTC, Bell avait annoncé qu'il offrirait le service de base tout seul d'ici le début de 2017. M. Lawford s'est réjoui de cette annonce, mais n'a pas manqué de souligner l'opportunisme de Bell dans cette volte-face qu'il attribue à la pression des consommateurs. Parlons de Bell. Bell se lance dans la production théâtrale. La première production du partenariat sera Bat Out of Hell, The Musical, et portera sur scène l'album de rock classique de Jim Steinman. Bell Media a annoncé qu'elle se lance dans la production théâtrale par l'entremise d'un partenariat avec la maison de production Iconic Entertainment Studios, du producteur canadien Michael Cole, qu'on connaît pour Spamalot, Spider-Man Journey of the Dark et Rock of Ages, The Musical. La première production à s'inscrire dans ce projet commun, comme je disais, Bat Out of Hell, The Musical. Ce nouveau spectacle en direct sera présenté en avant-première le 17 février prochain à l'Upper House de Manchester en Angleterre. Je cite le président de diffusion et contenu de Bell Media et coproducteur avec ceci. L'incursion de Bell Media dans le secteur de la production théâtrale accentue notre engagement à produire des contenus attrayants sur diverses plateformes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de porter Bat Out of Hell sur scène à titre de production inaugurale et avons très hâte de conquérir le cœur, l'esprit et l'imaginaire des spectateurs du monde entier alors que ce chef-d'œuvre célébrera son 40e anniversaire. Le lancement du spectacle l'an prochain concordera avec le 40e anniversaire de l'album de rock de Jim Steinman et la distribution des rôles est en cours au Royaume-Uni. Justement, on en parle. J'aurais peut-être pu faire cela avant. On en parlait il y a quelques secondes à peine, mais dès 2017, la Télé 5 sera offerte sans obligation de s'abonner au service Internet 5. Donc, d'ici la fin du premier trimestre de 2017, c'est ce qu'on dit. Le service Télé 5 de Bell sera offert comme service de télévision autonome, ce qui signifie que les clients de Télé 5 ne seront plus tenus de s'abonner au service Internet 5 pour avoir accès au service de télévision. De plus, le service Bell 5 sera amélioré et pourra fonctionner sans connexion Internet 5 pour les nouveaux clients. Quand même bien, ça. Pour l'instant, il y a une bande passante d'Internet qui est réservé pour l'utilisation de la télé 5. Je cite, en harmonisant nos technologies de télévision IP de prochaine génération, nous serons en mesure d'offrir les fonctions exclusives du service Fibre au Canada Atlantique et de nouvelles options téléfibre aux clients du Québec et de l'Ontario. Fibre est devenu le service de télévision le plus populaire au pays en raison de son contenu constamment renouvelé et des fonctions novatrices que nous proposons aux téléspectateurs canadiens, blablabla et autres trucs de marketing. Bell a annoncé le 19 juillet dernier que le service Téléfibre Up de Bell Alliance au Canada Atlantique serait intégré enfin au service Bell Téléfibre offert au Québec et en Ontario. Avoir deux marques de commerce différentes, c'est un peu bizarre. Bell prévoit investir $1 milliard de plus en 2016 afin d'offrir le service Fibre à un total de 3 millions de foyers et d'entreprises au Québec, en Ontario et au Canada Atlantique, comparativement à quelques 2,2 millions à la fin de 2015. Maintenant, on va aux États-Unis. Meryl Streep pourrait faire son grand retour à la télévision. En fait, elle devrait faire, c'est ce que ça dit dans le titre. Elle va tenir le haut de l'affiche de The Knicks. À ne pas confondre avec The Nick. K-N-I-C-K, on parle de The Knicks, N-I-X, oui, N-I-X, série produite par J.J. Abrams, d'après le premier roman de Nathan Hill, selon Deadline. The Knicks met en scène une mère hippie qui s'expose dans la presse nationale après avoir lancé des pierres sur un gouverneur conservateur en pleine campagne présidentielle. Son fils profite de cette occasion pour écrire un livre sur sa mère, un portrait cinglant grâce auquel il espère régler sa dette. Cette série sera produite donc par J.J. Abrams via sa compagnie Bad Robot et Warner Brothers Television, mais également par Meryl Streep elle-même, affirme Deadline. On connaît toujours pas les dates de diffusion, c'est un peu tôt quand même. The Knicks marquera le grand retour de Meryl Streep au petit écran plus de 13 ans après la mini-série de HBO Angels in America, où elle donnait la réplique à Al Pacino. Sa performance, en passant, elle jouait plusieurs rôles, nous rappelle l'article. Elle jouait entre autres Rabin. Elle a été saluée donc par les critiques et ça lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe. Voilà. Et présentement, elle est au cinéma dans Florence Foster Jenkins. On va au sport maintenant. Non, c'est pas vrai, on va pas vraiment au sport. On parle de télé américaine, mais quand même via le sport. Djokovic, qui sera star d'une émission de télé-réalité. C'est Tania Baudin, ma co-animatrice d'Assemblage Requis, qui doit avoir une petite oreille dans les airs en ce moment. Le numéro mondial, Novak Djokovic, sera la star d'une émission de télé-réalité en 2017, le suivant dans son quotidien, a-t-on annoncé en marge de l'US Open. L'émission dont le titre devrait être Novak sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime aux États-Unis. Bon, maudit que je fais pas attention, hein, j'aurais dû mettre ça dans mon bout internet là, de la chronique, mais bon, ça va être aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche et au Japon. Donc c'est les supporters qui le suivent depuis ses débuts sur les courtes de tennis. Il veut maintenant partager avec eux ce qu'est son quotidien, ce qui est important à ses yeux, ses valeurs, ses croyances et ses habitudes. Djokovic, vainqueur de 12 titres du Grand Chelem, s'est qualifié pour sa 7e finale de l'US Open. Je sais pas ce qui s'est passé, ça me change absolument rien et il va avoir une télé-réalité. Maintenant, on parle d'un pas d'un sportif, mais en fait d'un acteur qui va faire du sport un peu, mais plus mon genre de sport que le tennis. On parle de American Ninja Warrior. C'est Stephen Amell de l'émission Arrow qui est finalement prêt pour American Ninja Warrior. Les fans de Arrow disent à Stephen Amell qu'il devrait compétitionner dans American Ninja Warrior depuis des années. En 2014, l'émission a même contacté son gérant en espérant pouvoir le réussir. Il avait refusé toutes les opportunités, disant qu'il manquait de temps dans son horaire, mais on dirait bien que le Salt Lake City Comic Con l'a finalement poussé à le faire. Récemment, donc, il a écrit sur Facebook « OK, ça a lieu. Les gens de Salt Lake City et le grand état de l'Utah m'ont poussé jusqu'à ce que j'accepte. NBC, American Ninja Warrior 2017, j'aimerais compétitionner à votre émission. » Voilà. Vous connaissez American Ninja Warrior peut-être. C'est l'émission de télé-réalité, style, moi je trouve, quasiment jeu vidéo. C'est un parcours de gauche à droite. C'est en 3D, là, mais avec des vrais humains. Donc c'est un parcours de course à obstacles, genre. C'est vraiment le fun. J'adore cette émission-là. American Ninja Warrior basé sur Sasuke, une série japonaise. Toujours aux États-Unis, on va maintenant chez HBO. HBO aux États-Unis qui développe une série avec le créateur de Breaking Bad, le chimiste Vince Gilligan, qui sera basé sur un livre qui parle de Jim Jones, le fondateur et pasteur du groupe religieux d'inspiration protestante, le Temple du Peuple. Raven sera écrit par Vince Gilligan et produit par Sony Pictures Television et High Bridge Productions. L'émission va être réalisée par Michelle McLaren, qu'on connaît justement de Breaking Bad. Ça va explorer la secte du Temple du Peuple et le suicide de masse en Guyane en 1978. La série s'inspire du livre Raven, The Untold Story of Jim Jones and His People, du journaliste Tim Reiterman, qui a survécu à la tragédie. A&E, un réseau de télé aux États-Unis, développe également un drame sur Jones dans le cadre d'une série explorant les sectes américaines. James Warren Jones, dit Jim Jones, né en 1931 dans l'Indiana et mort en 78 en Guyane, est le fondateur et pasteur du groupe religieux d'inspiration protestante, le Temple du Peuple, dont il a fait le siège d'une lutte pour l'égalité raciale et la justice sociale qu'il appela le socialisme apostolique, et dont la communauté établie en Guyane a parfois été considérée à l'origine comme un projet agricole communiste, avant d'être le lieu d'un massacre et finalement désigné comme l'archétype de la secte religieuse dangereuse. Jim Jones, qui est à l'origine d'une des dérives religieuses les plus connues de l'histoire, et en provoqué un traumatisme à l'échelle mondiale. Sa communauté connut une fin tragique le 18 novembre 78 à Jonestown, où 908 personnes périrent par ingestion de cyanure de potassium ou d'assassinat. Lugubre et sombre. Maintenant, on va sur Internet, malgré la petite aventure tout à l'heure qu'on a eue en flirtant avec le net. On parle de Netflix qui veut vous payer pour regarder en rafale des films pour enfants. Hein? Tu sais, à un moment donné, on se fait dire qu'on devrait arrêter d'écouter autant d'affaires de suite, ou on se fait dire quand on est enfant, peut-être que ça devrait sortir dehors. Donc ici, c'est Trius qui nous dit que Netflix est présentement sur le marché pour ce qu'on appelle un Kids Content Tagger. Donc, un étiquetteur de contenu pour enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le listing, donc l'offre d'emploi, ces trois principales tâches seront donc de catégoriser le contenu pour enfants pour différents âges et pour des centaines de thèmes, dont le ton, l'histoire, les attributs des personnages, les messages positifs, tout ce qui devrait être averti, genre les avertissements. Donc, vous allez participer à des rencontres, Kids Tagging Meetings hebdomadaires et une fois par mois à des Tagging Workshops, des ateliers qui sont faits pour s'assurer que tout soit toujours constant, peu importe qui fait l'étiquetage. Ensuite, on a le Complete Backtagging Project. Lorsque une nouvelle étiquette est ajoutée ou enlevée, on va demander de faire un projet de backtagging. Donc, regarder des centaines de titres pour s'assurer que les étiquettes sont appliquées de façon appropriée. Ensuite, tu as le Contribute to Kids Innovation Project. Donc, à l'occasion, le Kids Content Tagger va devoir assister, aider donc, à des projets spéciaux. Par exemple, surveiller des titres pour déterminer s'ils sont bons ou pas pour les enfants. Tester, donner des commentaires sur le processus d'étiquetage. Donc, ça a l'air assez simple. Le candidat idéal devrait avoir une bonne connaissance et une passion pour les films et les émissions télé pour enfants. Moi, je suis un grand fan d'émissions pour enfants, mais pas de films, donc je pourrais pas travailler pour eux. Hein. Il faut être confortable avec le système de catégorisation de Netflix, être capable de jouer en équipe avec les autres, ce qui est encore une fois pour mon cas. Ceux qui veulent appliquer vont devoir en connaître plus et peut-être même avoir travaillé dans le domaine du divertissement pour enfants. Donc, c'est une position à distance, donc à la maison, on peut le faire en pyjama. Peu importe, ça va remplir à peu près 15 heures de votre temps par semaine. On sait pas encore combien ça coûte ou si vous avez passé toute la journée à regarder la même série, on sait pas. Mais tant qu'à regarder une série au complet, hein, pourquoi ne pas être payé pour? Voilà. Ensuite, Twitter va diffuser des émissions financières télévisées en direct. J'en ai parlé en intro. Le réseau social Twitter va diffuser des émissions d'information financière en direct grâce à un partenariat avec la plateforme de télévision en ligne Cheddar, nouveau signe de l'appétit du réseau social pour la télé sur Internet en direct. Cheddar a été créé au début de 2016 par l'ancien président du site d'information en ligne BuzzFeed, c'est pour les amateurs de pieds et c'est pas le même genre de choses. Donc John Steinberg, après avoir diffusé gratuitement ses contenus pendant ses premiers mois d'existence, elle a opté en mai pour une formule par abonnement payant. Dans le cadre de l'accord signé récemment, donc Twitter diffusera en direct et gratuitement les émissions quotidiennes Opening Bell à l'ouverture de la Bourse de New York et Closing Bell à la clôture produite par Cheddar. Depuis le début de l'année, Twitter multiplie les initiatives et les partenariats pour devenir une destination légitime de la télé en direct. Cette stratégie vise à faire décoller le nombre d'utilisateurs actifs qui stagnent présentement. La plateforme a notamment diffusé des directs des conventions républicaines et démocrates en vertu d'accord avec la chaîne CBS et va retransmettre cette saison 10 rencontres de la Ligue professionnelle de football américain, la NFL, en direct aussi. Le partenariat avec Cheddar permet à Twitter d'entrer dans le domaine de l'information financière télévisée qui est encore chasse gardée d'une poignée de chaînes de câble, donc CNBC, Fox Business Network et Bloomberg Television. Cheddar n'est pas uniquement consacré à la finance, d'ailleurs il s'intéresse plus largement aux technologies et à l'innovation. Cheddar. On va au Canada, toujours sur Internet, Ottawa qui veut davantage de contenu canadien sur Netflix. Le gouvernement Trudeau aimerait voir davantage de contenu canadien sur Netflix et en même temps, Ottawa n'exclut pas la possibilité d'assouplir les règles sur le contenu canadien au petit écran dans le cadre de sa réforme sur la politique culturelle fédérale, nous dit la presse. Sans imposer de taxes Netflix pour financer la production de contenu canadien, la ministre fédérale du patrimoine canadien, Mélanie Joly, a dit vouloir discuter avec Netflix afin de rehausser son contenu canadien. Je cite, « Nous avons été clairs que nous n'étions pas en faveur d'une taxe Netflix. » C'est un bon vire-langue, c'est un tourne-langue, truc. Nous l'avons dit durant la campagne et nous n'allons pas changer notre position là-dessus. Nous allons avoir une conversation avec les différents Netflix de ce monde pour discuter de comment ils peuvent éventuellement contribuer au contenu canadien dans une ère numérique. En matière de contenu canadien, Ottawa pourrait-il réglementer Netflix au même titre que les chaînes de télé qui doivent diffuser un minimum de contenu canadien en vertu des règles du CRTC? Sans préciser ses intentions, la ministre Joly estime que ce dossier démontrera la pertinence de l'action étatique dans le monde numérique. Dans un document informatif, Ottawa tempère le scénario de la réglementation des contenus sur les diffuseurs comme Netflix, indiquant que la marche à suivre pour l'avenir n'est pas de tenter de réglementer le contenu sur Internet en faisant référence au principe de la neutralité d'Internet. Autant le gouvernement Trudeau aimerait voir davantage de contenu canadien sur Netflix, autant il n'exclut pas la possibilité de réduire les règles du contenu canadien au petit écran dans le cadre de cette réforme en profondeur du système culturel fédéral. C'est la première réforme du genre depuis 1991, selon la ministre Joly. Tout le système a été développé avant l'ère numérique et les plateformes ont un effet de transformation majeure qui va aller en s'accélérant, dit-elle. On arrive dans une ère numérique, les frontières sont en mouvement, il y a une fluidité des acteurs, il faut nécessairement en tenir compte, c'est fondamental, dit-elle. Après son annonce en avril, le gouvernement Trudeau lance officiellement ses consultations sur la politique culturelle fédérale, des audiences publiques où seront notamment convoquées les grandes entreprises de médias du milieu de la culture. Et ça aura lieu donc cet automne partout au pays, dont à Montréal à la fin octobre. Les citoyens pourront aussi s'exprimer notamment sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Au nombre des autres sujets qui seront abordés au cours des consultations, c'est le rôle de CRTC et le mandat de Radio-Canada. Ottawa doit faire connaître ses conclusions au début de 2017. Dans ses documents de consultation dévoilés récemment, le gouvernement Trudeau indique ses grands objectifs: faciliter les choix et l'accès au contenu pour les citoyens, soutenir nos créateurs, redéfinir le concept de contenu canadien, accroître l'offre de nouvelles de qualité dans les marchés locaux et promouvoir le contenu canadien à l'étranger. Netflix veut abolir les limites de bande passante. Pour des raisons assez évidentes, le populaire service de vidéo sur demande implore la FCC aux États-Unis de mettre fin aux limites de téléchargement imposées par les fournisseurs d'accès Internet. Dans sa lutte contre les services de télédistribution traditionnels, Netflix doit composer depuis toujours avec le même talon d'Achille, les fameuses restrictions d'utilisation de la bande passante qu'imposent les fournisseurs d'accès Internet, dont plusieurs sont également câblos distributeurs. Mais voilà qu'on est en 2016 avec la montée des contenus 4K à l'horizon, il est très temps pour Netflix de voir cette pratique disparaître, nous dit branchez-vous.com. Dans une lettre adressée à la Federal Communication Commission, c'est un peu l'équivalent du CRTC aux États-Unis, l'entreprise a pris soin d'expliquer clairement sa position. Je cite: les limites de téléchargement, en particulier celles dont le plafond est bas et la facturation à l'utilisation, découragent la consommation de services à large bande par le consommateur et peuvent nuire à la capacité de certains ménages à regarder la télé sur Internet de la façon souhaitée et en quantité désirée. Netflix fait valoir que les plafonds de données sur les réseaux à ligne fixe, comme les téléphones les services résidentiels à haute vitesse, ne semblent pas servir de but légitime. Tout à fait vrai, hein, en tant que tel. Tandis qu'elle allègue que la facturation à l'utilisation n'est qu'une stratégie visant à soutirer plus d'argent des consommateurs. À ses yeux, ces pratiques augmentent le coût de l'utilisation de collections déjà payées par les consommateurs, rendant le fait de regarder la télé sur Internet trop onéreux. Selon l'entreprise, limiter l'utilisation mensuelle des internautes à 300 gigs est juste suffisant pour répondre aux besoins télévisuels de l'Américain moyen, mais cette restriction ne tient pas compte des autres activités qui exploitent la bande passante, de la simple navigation sur Internet au téléchargement de jeux et d'applications. Lorsqu'on se doute bien qu'une connexion Internet est souvent exploitée par plus d'une personne et que les contenus 4K et le matériel pour les consommer sont progressivement plus accessibles, cette limite devient rapidement un élément perturbateur important à cette croissance technologique. Pour cette raison, la Commission devrait être d'avis que les limites de téléchargement sur les réseaux à ligne fixe et les faibles plafonds de données sur les réseaux mobiles peuvent limiter de façon déraisonnable l'accès à la télé sur Internet, ce qui est incompatible avec l'article 706, dit-il. Donc, on fait référence à l'article 706 de la loi américaine sur les télécommunications de 1996. Le paragraphe contraint la FCC et toute autorité impliquée à favoriser le déploiement sur une base raisonnable et en temps opportun avec les capacités de télécommunications de pointe aux citoyens selon l'intérêt et les besoins du public en exploitant diverses méthodes dont le plafonnement de la tarification. Craignant que la FCC puisse légiférer en la matière, AT&T et Comcast ont d'ailleurs élevé leur limite de bande passante de 3 gigaoctets à 1 téraoctet un petit peu plus tôt cette année. Wow, 1 téraoctet, on s'entend que c'est pas mal plus que ce qu'on a chez nos distributeurs locaux. Traditionnellement, la FCC a toujours montré peu d'intérêt à sévir contre l'emploi de plafonds de téléchargement par les fournisseurs, voire même mettre en évidence les tarifs potentiellement abusifs de leurs forfaits. Comme le souligne le blog DSL Reports, la carte géographique illustrant le déploiement des services haute vitesse aux États-Unis de la FCC ne mentionne en rien la facturation des utilisateurs et la commission s'est toujours gardée de commenter les publicités vantant des forfaits à prix trompeur. Une nouvelle qu'on a sauté la semaine passée, mais qui venait juste de se passer. Parlons-en maintenant. L'équipe de Mythbusters qui se réunit pour une nouvelle émission sur Netflix. Si vous êtes fan des Mythbusters, les stupéfiants en français, vous avez peut-être remarqué que la dernière saison de l'émission n'avait pas l'équipe de construction composée de Grant Imahara, Tori Belleci et Carrie Byron. Par contre, on a récemment révélé que le trio va se réunir pour une nouvelle émission sur Netflix qui devrait débuter plus tard cette année. Le travail est déjà commencé, ça s'appelle White Rabbit Project. Ça a commencé en mai, la préparation de ça. Et ça va couvrir des sujets super diversifiés comme comment sortir de prison, la technologie des super pouvoirs, les vols banques, les guerres mondiales, etc. Le producteur de Mythbusters, la compagnie derrière, donc Beyond Productions, va encore une fois être au sommet de tout ça. C'est pas une série dérivée, mais on appelle ça souvent, fréquemment, à l'interne, Mythbusters à Wonderland. White Rabbit Project devrait débuter le 9 décembre. Il faut aller voir des informations sur assemblagerequis.com avec des photos, entre autres. Et pour terminer, on va sur Amazon. Gad Elmaleh va être dépressif amoureux pour Woody Allen. Entre Gad Elmaleh et les États-Unis, présentement, il y a une petite histoire d'amour. L'humoriste joue son spectacle Oh My God depuis plusieurs mois à travers le pays. et un autre projet pourrait permettre au grand public américain de le découvrir. C'est la très attendue série de Woody Allen, Crisis in Six Seas. Gad Elmaleh connaît bien le cinéaste de 80 ans, puisqu'il a déjà tourné sous sa direction dans Minuit à Paris. Crisis in Six Seas, série commandée par Amazon, se déroule dans le New York des années 1960. En 6 épisodes de 30 minutes, Woody Allen raconte le quotidien d'une famille de la classe moyenne, dont la vie est chamboulée par l'arrivée d'un invité. Dans les premiers extraits diffusés, on reconnaît la patte du réalisateur de La Haute Société et ses dialogues finement ciselés. Pour sa part, Gad Elmaleh joue le patient d'une psychologue mariée au personnage de Woody Allen et joué par Elaine May. Son personnage traverse une grave dépression car sa femme décide de réaliser son rêve de devenir prostituée. La série où on retrouve également Miley Cyrus sera diffusée à partir du 30 septembre. C'est une nouvelle qui vient de WAN. Voilà pour Television Television. C'est ce qui s'est passé en télé depuis les 7 derniers jours. Allons écouter un petit peu de chiptune dubstep. Dubstep, voyons donc dubstep. C'est quoi ça? Ça vient de Knife City, où Luke Silas, qu'on connaît du groupe Anamanaguchi, ceux qui font la chanson thème du Mathieu Plante Show. Donc, c'est une parmi 5 pièces de leur EP qui s'appelle aussi Knife City. Donc, voici Slam Dunk Lifestyle MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Come on. Voici Boost. À Trois-Rivières, c'est le 89. Bodega Run sur l'album Get All par Crying. Et avant ça, c'est la pièce qui ouvre l'album Open. Oh, Mathieu Planche. Et maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec de la porno. Bien sûr, hein? Bien évidemment. Regarder de la porno peut multiplier par deux votre risque de divorcer. Une étude américaine s'est intéressée à l'effet de la pornographie sur la stabilité des mariages. Résultat, dans l'ensemble, un couple risque deux fois plus de divorcer si un époux se met à regarder de la porno. Ici, c'est madame qui commence à regarder ça. Le risque est presque le triple. Cette étude n'a pas été publiée dans une revue à comité de lecture. Donc, revue par les pairs, comme on l'appelle. Mais elle était présentée au congrès annuel de l'American Sociological Association en août 2016. Ses auteurs Samuel Perry et Cyrus Schlieffer de l'Université de l'Oklahoma ont utilisé les données d'une enquête réalisée entre 2006 et 2014 et qui a interrogé des milliers d'Américains sur leur mode de vie. Pour mesurer la consommation de pornographie, l'enquête demandait aux participants s'ils avaient regardé un film X dans l'année précédente. Sur 5698 personnes interrogées, 1681 personnes ont répondu par l'affirmative et 373 ont déclaré avoir vu un film X pour la première fois dans la période de l'étude. Les auteurs ont trouvé que les personnes qui commençaient à regarder de la porno risquaient plus de divorcer au cours de la période de l'enquête. Dans l'ensemble, le risque de divorce passait de 6 à 11%, mais pour les femmes, il augmentait de 6 à 16%. Inversement, lorsqu'une femme arrête de regarder de la porno, son risque de divorce redescend à 6%. L'effet était moins significatif chez les hommes, car peu d'entre eux arrêtaient leur usage de la pornographie pendant l'enquête. En plus, les différences entre les deux sexes, l'étude a montré que l'effet n'était pas le même en fonction de l'âge des mariés. Plus les époux étaient jeunes, plus ils risquaient de divorcer s'ils commençaient à regarder de la porno. De plus, si on s'intéressait aux pratiques religieuses des participants, l'usage de la pornographie avait plus d'impact négatif sur les mariages des personnes les moins pratiquantes. Cependant, on peut se demander si la consommation de pornographie est la cause ou la conséquence des problèmes de couple. On sait que l'un ne veut pas dire l'autre. Les cerveaux les plus intelligents sont assoiffés de sang. Les chercheurs ont un temps cru que l'intelligence de l'homme était liée à la taille de son cerveau. Ils ont ensuite établi qu'elle tenait plus de sa structure même. Et aujourd'hui, ils avancent que notre intelligence reposerait sur la quantité de sang qui irrigue notre cerveau. Au cours de l'évolution, la taille du cerveau humain a augmenté de 350% et dans le même temps, le flux sanguin vers le cerveau a explosé de 600%. C'est le résultat d'une étude publiée récemment par l'Université d'Adélaïde en Australie. Un résultat obtenu grâce à des mesures réalisées sur des crânes fossiles. À la base du crâne humain se trouvent en effet deux trous qui laissent passer les principales artères responsables de l'irrigation du cerveau, les carotides internes. Les diamètres de ces trous correspondent à ceux des artères qui les traversent. Or, les mesures des chercheurs de l'Université d'Adélaïde ont révélé que les trous se sont agrandis au fil de l'histoire de nos ancêtres, permettant au cerveau d'être plus largement irrigué. Selon les chercheurs australiens, l'augmentation du flux sanguin alimentant notre cerveau serait liée à un besoin énergétique, oxygène et nutriments, croissant de la part de cellules nerveuses sollicitées par les activités de plus en plus élaborées. Les cerveaux les plus intelligents seraient donc ceux qui consomment le plus de sang. Et bang! Maintenant, si vous avez des douleurs chroniques, vous pourriez tester le yoga, l'acupuncture ou le tai chi. Beaucoup de patients souffrant de migraines, d'arthrose ou de douleurs lombaires prennent régulièrement des médicaments avec des effets secondaires, mais des méthodes alternatives comme le yoga, l'acupuncture et le tai chi se révèlent efficaces pour soulager la douleur. Les médicaments antidouleurs sont souvent utilisés pour soulager les patients sujets à des douleurs chroniques persistantes, mais ces traitements ne sont pas totalement efficaces et peuvent occasionner des effets indésirables. C'est pourquoi beaucoup de patients se tournent vers ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Devant l'engouement du public pour les médecines douces, des scientifiques américains du NIH, donc le National Center for Complementary and Integrative Health à Bethesda, ont vérifié les preuves scientifiques de leur efficacité. Pour leur étude, dont les résultats sont parus dans la revue Mayo Clinic Proceedings, ils ont analysé 105 essais contrôlés réalisés au cours des 50 dernières années qui portaient sur l'efficacité de techniques alternatives pour les douleurs chroniques suivantes: migraine, arthrose, fibromyalgie, maux de tête, douleurs du dos et du cou. D'après leurs résultats, ces techniques peuvent soulager les patients, combinées ou pas avec des médicaments. Par exemple, le yoga serait efficace contre les douleurs du dos, tandis que le tai chi et l'acupuncture aideraient à soulager l'arthrose. Les techniques de relaxation peuvent soulager un peu les patients migraineux et les massages réduire les douleurs au cou, évidemment. Toutes ces méthodes, même si elles ne permettent pas de guérir une maladie, ont l'avantage d'être sans danger et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments pris sur le long terme. Le système immunitaire aide à brûler les graisses inutiles. Le système immunitaire joue un rôle dans le contrôle du poids et peut aider à perdre des kilos en trop. Ainsi, une nouvelle recherche montre que les cellules immunitaires favorisent la conversion de la graisse blanche en graisse brune et donc la perte de poids. Les kilos pris sont souvent difficiles à perdre malgré les efforts pour manger moins et faire du sport. Or, d'après une nouvelle recherche parue dans Cell Metabolism, le système immunitaire pourrait être en partie responsable des difficultés que peuvent rencontrer les personnes obèses à perdre du poids. En effet, des chercheurs ont trouvé que des cellules du système immunitaire, les lymphocytes NKT invariants, donc les INKT, INKT, jouent un rôle dans une série d'événements qui contrôlent le poids. Les cellules INKT permettent aux cellules de graisse de fabriquer un facteur de croissance appelé FGF21 qui favorise la conversion de la graisse blanche en graisse brune, plus saine pour l'organisme. Cette transformation en graisse brune active le métabolisme et facilite la perte de poids. Les personnes obèses auraient moins de cellules INKT, donc moins de FGF21, ce qui limiterait la conversion de la graisse blanche en graisse brune. C'est pour ça qu'il faut stimuler ces cellules du système immunitaire pour perdre du poids. La pollution de l'air s'infiltre jusque dans votre cerveau. Oui, elle atteint aujourd'hui des taux alarmants. Dans certaines villes, elle est telle qu'il est presque obligatoire de porter un masque. Si celle-ci est évidemment nocive pour nos poumons et notre santé en général, le cerveau n'en sort pas non plus indemne. Certaines particules s'y infiltrent très facilement. Selon une étude récente, dans les tissus cérébraux de 37 individus âgés de 3 à 92 ans vivant au Royaume-Uni et à Mexico City, des taux extraordinairement élevés de magnétite, une nanoparticule de fer indirectement liée à des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, ont pu être constatés. Le cerveau produit naturellement des cristaux de magnétite, mais des particules parfaitement sphériques non naturelles de la même forme que la magnétite que l'on trouve dans la pollution de l'air étaient présentes dans un ratio de 100 pour 1. Si vous les inspirez, elles passent la barrière du sang et entrent dans votre cerveau assez rapidement. Et avec tous les pots d'échappement et autres dégagements fossiles de nos usines, ceux-ci se multiplient très rapidement. Dès que vous avez suffisamment de chaleur et une source de fer, vous obtenez ces gouttelettes fondues très distinctives. Si elles sont refroidies suffisamment vite, elles peuvent conserver leur forme. Et avec conserver cette forme-là, donc. Et avec moins de 200 nanomètres de diamètre, elles sont trop petites pour être filtrées par un masque, rendant toute protection impossible pour les résidents. Si la quantité dangereuse de ces nanoparticules n'a pas encore été déterminée, il y a de quoi s'inquiéter. En effet, ces particules de magnétite font partie d'une famille de métaux qui produit des dérivés réactifs de l'oxygène, lesquels peuvent endommager le cerveau. Et on en trouve notamment des traces dans la maladie d'Alzheimer et très probablement dans les tout premiers stades de la maladie. Voilà donc en tout cas une énième source d'inquiétude, s'il en fallait une, qui devrait motiver les hauts dirigeants à tout faire pour endiguer la pollution de l'air, nous dit Uber Gizmo. Ce système maintenant augmente considérablement la récolte du brouillard. Dans certaines régions du globe, récupérer de l'eau potable est la priorité numéro un. Tous les moyens sont bons. Et aujourd'hui, avec la technologie, certains systèmes offrent de très bons rendements sans être trop volumineux ni trop coûteux à mettre en place. Ce système, par exemple, augmente de 500% l'efficacité de la récolte de brouillard. Celui-ci se présente comme un simple filet. Sa structure maillée permet de condenser le brouillard en gouttes d'eau. Et comme ce dernier est composé d'eau naturellement désalinisée par le soleil, le système offre en sortie, sans autre traitement, une eau potable pouvant également être utilisée pour l'irrigation des terres. Dans les pays chauds, ces filets sont installés sur les crêtes, davantage exposées au vent. Mais aujourd'hui, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, toujours les mêmes, ont trouvé le moyen d'optimiser la composition et la forme du maillage, de quoi augmenter l'efficacité du tout de 500%. Grâce à leurs travaux, un filet de 4 mètres par 10 mètres de large peut ainsi collecter le joli volume de 250 litres d'eau par jour, permettant de couvrir les besoins journaliers en eau d'une famille entière. Actuellement, la technologie prend une autre forme, des tours utilisant le même principe, s'érigent, oui, notamment au Yémen, Maroc, Éthiopie, Érythrée, pour aller chercher l'eau plus haut encore. Et dans le même domaine, de la glace du Mont Blanc sera envoyée vers les plus grands congélateurs du monde. La première mission du projet de sauvegarde du patrimoine glaciaire mondial a débuté le 15 août dans le massif du Mont Blanc. Les chercheurs y prélèvent jusqu'à début septembre de la glace au col du Dôme. Deux de ces premières carottes de patrimoine voyageront jusqu'en Antarctique pour constituer la première bibliothèque mondiale d'archives glaciaires issues de glaciers menacés par le réchauffement climatique. Je cite, dans les prochaines décennies ou même les prochains siècles, ce patrimoine englacé aura une valeur inestimable pour des trouvailles scientifiques totalement inédites ou pour comprendre les évolutions locales de l'environnement. Je soutiens pleinement ce projet, déclarait Jean Jouzel, climatologue vice-président de la commission scientifique du GIEC de 2002 à 2015 et prix Nobel de la paix en 2007. Depuis le 15 août jusqu'à début septembre, donc, l'équipe internationale était au col du Dôme, 4300 mètres, dans le massif du Mont Blanc. Elle réunissait une dizaine de glaciologues et ingénieurs américains, français, italiens et russes, coordonnés par Patrick Gino, ingénieur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement au sein du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, de l'Université Grenoble-Alpes et du CNRS, et Jérôme Chapelaz, directeur de recherche CNRS dans ce même laboratoire. Leur travail était de prélever les premières carottes patrimoine avec l'objectif de constituer la première bibliothèque, comme je disais, mondiale d'archives glaciaires issues de glaciers menacés par le réchauffement climatique. Trois carottes de glace de 130 mètres chacune sont en train, étaient donc extraites, puis seront ou viennent d'être descendues par hélicoptère dans la vallée. Elles seront ensuite transportées à Grenoble au LGGE tout en maintenant une chaîne du froid rigoureuse. L'une d'entre elles sera analysée en 2019 pour constituer une base de données disponible pour l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Les deux autres seront acheminés par bateau, puis par véhicule à chenilles sur les hauts plateaux de l'Antarctique en 2020 pour être stockés à la base, base Concordia gérée par l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et son partenaire italien, le Programme national de recherche antarctique. Ce sont des dizaines de carottes de glace patrimoine qui devraient être stockées dans une cave creusée sous la neige par moins 54 degrés Celsius, soit le congélateur le plus sûr et naturel au monde. Le glacier du col du Dôme constitue la première étape de ce projet majeur initié en 2015 par le LGGE ainsi que par l'Université Ca' Foscari de Venise en Italie et le CNR, le Conseil national de la recherche italien, sous l'égide de la Fondation Université Grenoble-Alpes. Est-ce qu'on fait juste du name-dropping dans cet article-là? Une deuxième mission plus longue et plus complexe se déroulera en 2017 dans les Andes, en Bolivie, sur le glacier Illimani. D'autres pays seront déjà candidats pour s'inscrire dans ce projet et sauvegarder la mémoire des glaciers auxquels ils ont accès. On parle de l'Allemagne, l'Autriche, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, le Népal, la Russie et la Suisse. Plus de détails, entre autres, pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant, etc. sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Hein? Maintenant, on retourne en chiptune pour entendre une pièce de l'album Square Therapy par Jason Doss. Voici The Annexation of Puerto Rico tout de suite. Sur C'est fou, vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Thank you. Tellement mon genre de pièce, c'était Epsilon sur l'album Miyajima par Brave Wave. Et avant ça, on a entendu une autre pièce que j'ai vraiment adorée, The Annexation of Puerto Rico sur l'album Square Therapy par Jason Doss. Excellent. Excellent. Deux EP que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Maintenant, ben, c'est le moment de parler de technologie, hein, dans le segment Geek Cynix. Cynix, la collègue qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On commence par les nouvelles du futur, comme toujours. Science et fiction, la téléportation de Star Trek serait-elle possible? Star Trek a mis en scène au fil de ses 50 ans d'histoire de nombreux éléments technologiques devenus ou en passe de devenir réalité. Mais la téléportation chère à Kirk et son équipage reste encore aujourd'hui de la science-fiction. Est-ce que c'est pour toujours? C'est une série sur Quibic.com qui s'appelle Science et fiction, là, vraiment pas du tout originale. S'intéresse aux prouesses technologiques aperçues dans le cinéma, à la télé ou dans la littérature et se questionne sur le positionnement, possible ou non, dans la réalité. Donc la phrase « Téléportation Scotty », phrase culte prononcée par les personnages de la série d'origine Star Trek qui compte 3 saisons, entraînait irrémédiablement la disparition d'une partie d'équipage de l'Enterprise, alors envoyée sur une planète à explorer. Téléporter les humains de cette manière serait-il possible un jour? La réponse est complexe. Aujourd'hui, la téléportation est possible, mais les scientifiques se contentent de téléporter, entre guillemets, des particules par le biais de la téléportation quantique. Un objet disparaît à un endroit pour y apparaître à un autre. Le principe se base sur la mécanique quantique et plus précisément l'intrication quantique. Inutile de préciser que le fait d'expliquer simplement le phénomène mis en lumière par Einstein et Schrödinger dans les années 30 s'avère assez compliqué, et on n'est pas à l'émission géniale où il le ferait pas mal mieux que moi. On pourrait quand même le résumer de façon gnochonne en disant deux particules se retrouvent dans un état quantique tel qu'elles ne forment qu'un seul système, tout en étant pourtant séparées. Quelle que soit la distance qui les sépare, toute altération de l'une des particules affecte l'autre. Les deux particules peuvent ainsi être utilisées pour créer un canal de communication. En 2014, les scientifiques de Genève ont annoncé être parvenus à téléporter l'état quantique à un photon sur une distance de 25 km de fibre optique. Il ne s'agit pas là de téléporter un objet et encore moins une personne, mais plutôt de l'information. Les chercheurs ont donc utilisé de la fibre optique. Ils ont placé un photon A à mi-chemin d'un câble de fibre optique de 25 km. Le photon A a été lié par l'intrication quantique au photon B, quant à lui isolé dans un cristal. Puis un photon C a été lancé à la rencontre du photon A. Lorsqu'ils se sont percutés, ils ont détruit tous les deux. Ils ont été détruits tous les deux, mais grâce à l'intrication quantique, les données du photon C se sont retrouvées dans le photon B, car il était connecté avec le photon A. Ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'une téléportation n'en est pas une, puisqu'il y a destruction de la particule à faire voyager dans le processus. Si l'information récupérée, la particule détruite l'est pour de bon, la téléportation quantique correspond davantage à un transfert d'état quantique d'un endroit à un autre qu'une réelle téléportation telle que la science-fiction la présente généralement. Maintenant que les bases sont connues, on essaie de répondre à la question qui nous intéresse. Une telle expérience permettrait-elle de téléporter un être humain? C'est ce qu'on se demande. Donc, pourra-t-on un jour se téléporter comme dans Star Trek? Et la communauté scientifique est divisée sur le sujet. En théorie, on dit que oui. Si vous considérez que nous ne sommes rien de plus qu'un ensemble d'atomes rassemblés d'une quelconque manière, alors en théorie, il serait possible un jour de nous téléporter d'un endroit A à un endroit B. Expliqué en 2014, le professeur Ronald Hansen de l'Institut Kavli des nanosciences à l'Université de Delft, oui, aux Pays-Bas. Mais ce même scientifique ajoute immédiatement, en pratique, c'est fort peu probable. Mais dire de manière définitive que c'est impossible et risqué. Et je voudrais pas en arriver là, dit-il, car il n'y a pas de loi fondamentale en physique qui empêche la téléportation. Si ça doit se produire un jour, ce sera dans un futur très lointain. Le professeur que j'adore, Michio Kaku, qui officie à l'Université de New York et qui est connu pour ses envolées futuristes, est du même avis. À la fin de 2015, il disait, je cite, « Beaucoup de choses que l'on voit dans la série Star Trek sont possibles comme la téléportation. » La célèbre phrase « Téléportation Scotty », en français, en anglais, c'est « Beam me up, Scotty », a été utilisée pour s'amuser par les physiciens dès qu'on abordait le sujet, mais nous n'en rions plus depuis que nous avons réalisé que c'était possible. Dans une vidéo dans laquelle il répond à un internaute, le professeur Michio Kaku estime qu'après les photons et les atomes, ce sont les molécules qui pourraient être téléportées dans les 10 années à venir, comme l'eau ou le dioxyde de carbone, et après ça, qui sait, peut-être l'ADN ou les molécules organiques. Il y a plus de détails, entre autres un paragraphe ou deux sur la bande passante et sur la question éthique de tout ça. Allez voir le dossier complet sur assemblagerequis.com. La voix de Star Trek, parlant de Star Trek, la voix des ordinateurs dans Star Trek pourrait être sur votre téléphone cellulaire un jour. Major Barrett Roddenberry a joué plusieurs rôles dans la franchise Star Trek, de son apparition dans le rôle de Number One dans The Cage, le pilote d'origine de l'émission de 1965, plus tard dans le rôle de Waxana Troi dans Star Trek The Next Generation et Star Trek Deep Space Nine. Par contre, son rôle le plus prolifique, le plus connu dans la série est celui de la voix des ordinateurs de la Fédération dans The Next Generation, Deep Space Nine et Voyager. Et sa dernière apparition dans, dans la première timeline Kelvin dans le film Star Trek qui a été enregistré juste avant sa mort en 2008. Maintenant, selon un tweet récemment par la compagnie Roddenberry, il y a une très bonne chance que la voix très distincte puisse se retrouver sur votre téléphone un jour. Donc, Majel. C'est plus beau comme ça. Majel Barrett Roddenberry, sa voix existe sur un disque dur en quelque part et on attend de la ramener à la vie en tant qu'assistante numérique personnelle sur votre téléphone cellulaire et peut-être même dans le rôle de l'ordinateur du vaisseau dans le futur Star Trek Discovery. Très bonne nouvelle pour les fans de Star Trek, mais ne pas vous exciter tout de suite, s'il vous plaît. Roddenberry a à peine exprimé son désir de mettre la voix comme ça. Ça pourrait ne pas arriver du tout, mais ça pourrait aussi arriver. Hein? Et si ça arrive, ben, quand même, on vous dira comment le faire. Hein? On est là pour ça quand même. Maintenant, on parle de robot dans le prochain bloc. Le robot qui utilise un humain, pour créer de l'art. Et comme dit tout article français, je pense que c'est un prérequis dans un article français de dire que c'est bluffant. Donc, apparemment que c'est bluffant. Quand l'homme se met au service des machines, ça donne ça, la création assistée d'une œuvre d'art. L'artiste serbe Dragan Ilić. Ouais. Alors, en effet, fait le pari d'user d'un bras robotisé pour l'assister dans la réalisation de projets d'envergure. En résulte une vidéo témoignant de l'avancée de l'œuvre et plus encore du dévouement de l'artiste qui n'a pas hésité à se retrouver malmené au bout d'un énorme bras, d'ailleurs utilisé dans les usines pour un usage bien plus industriel, qui est à faire office de pinceau géant. Baptisé DI24K, ce projet original s'appuie par contre sur un schéma programmé à l'avance, ne laissant en réalité que très peu, même aucune place à l'improvisation. De l'aveu de M. Ilić, sa réalisation avait pour vocation d'imiter la répétitivité de la production technologique, tout en représentant une nouvelle étape de l'expérience transgressive assumée par l'auteur. Vous pouvez aller voir la vidéo de cette peinture fabriquée par un robot qui tient un homme sur assemblagerequis.com. Bientôt, un robot sera-t-il capable de créer des liens émotionnels avec l'homme? Sony n'est pas nouveau sur le marché des robots. Le géant japonais dépense des sommes considérables dans le domaine et il profitait de l'IFA 2016 de Berlin pour annoncer qu'il travaillait sur un robot tout à fait singulier, un robot capable de créer une connexion émotionnelle avec les humains. C'est par la voix de Kaz Hirai, le grand patron de Sony, en personne que l'annonce a été faite. Ce robot sera donc capable de tisser un vrai lien social avec ses propriétaires, un vrai cours de com social à l'UQTR, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi au niveau émotionnel. Sera-t-il vous consoler, vous remonter le moral, vous gronder quand vous faites une bêtise, ou encore vous conseiller? Aucun détail n'aura été donné, mais vous voudrez certainement rester à l'écoute, disent-ils. Autant dire que chez Sony, on est déjà très excité par ce robot. Sony n'a pas non plus révélé une éventuelle date à laquelle on pourrait découvrir ce nouveau robot très prometteur, ni ce qu'il est réellement capable de faire. Une promesse quand même très intéressante. Alors, on a parlé de congélateur dans Merci Science tantôt. Parlons de réfrigérateur intelligent maintenant grâce à l'intelligence artificielle de Microsoft. Mise en contexte, mise en scène, tiens. Vous êtes au supermarché, vous ne vous souvenez plus de ce qu'il reste dans votre frigo. Est-ce qu'il reste du beurre, vous vous demandez? Prenez votre smartphone et posez la question à votre réfrigérateur. Microsoft collabore avec le fabricant d'électroménager allemand Liebherr pour concevoir un frigo capable d'inventorier son propre contenu en s'aidant de caméras et d'une technologie de reconnaissance des objets empruntés à son assistant virtuel Cortana. Le groupe informatique américain Microsoft a annoncé il y a quelques semaines, un partenariat avec les fabricants allemands Liebherr afin de rendre le réfrigérateur plus intelligent en lui permettant, par exemple, de reconnaître les denrées. Cette collaboration a débouché sur la réalisation d'un prototype baptisé Smart Device Box, un module de communication qui s'intègre au réfrigérateur et congélateur de Liebherr, selon Microsoft sur un de ses blogs. Le module permet à ces appareils électroménagers de se connecter à Internet, mais également de voir et d'inventorier leur contenu grâce à des caméras couplées avec des technologies de reconnaissance automatique des objets. Le système ne se contente pas de capturer les images et des images à regarder, il reconnaît aussi des aliments individuels à l'intérieur du réfrigérateur. Les informations sont envoyées automatiquement sur une liste inventoriant le contenu du réfrigérateur qui peut ensuite être consulté de n'importe où par le consommateur. Le groupe américain fournit les capacités de vision du module. Il explique que ses ingénieurs ont conçu un nouveau système de traitement des images capable d'apprendre à détecter des produits alimentaires spécifiques à l'intérieur du réfrigérateur. À partir d'une banque d'images, ils lui ont appris à reconnaître toute une série d'objets comme des cartons de lait, des bouteilles de ketchup, des pots de cornichons. Ensuite, quand le système reçoit une image provenant des caméras à l'intérieur du réfrigérateur, il est capable de détecter la présence du type d'aliment ou de contenant qu'on lui a montré durant son apprentissage. Il faut le coacher un peu. Microsoft souligne que si pour l'instant il s'agit toujours d'un prototype, les technologies utilisées sont déjà très puissantes et se développent rapidement. Je cite, Liebherr et Microsoft amélioreront activement ces technologies pour transformer la nouvelle génération de réfrigérateurs en appareils intelligents qui ne se contentent pas de garder votre nourriture au frais, mais vous aident de manière interactive à gérer vos denrées alimentaires. Maintenant, on va dans les transports avec Airbus qui planche sur un taxi volant sans pilote. Oui, je sais, on parle de Uber dans tous les mots immédiats. Je suis tellement tanné d'entendre parler de Uber, ça se fait même pas. Mais ici, on parle de taxi générique volant. Véritable serpent de mer, la voiture volante, un gros drone, entre guillemets, en l'occurrence, elle devient bien plus crédible quand c'est Airbus lui-même qui affirme plancher dessus depuis presque 2 ans. Les voitures volantes de l'an 2000 ont un petit peu de retard, comme nous dit Clubic.com, mais elles s'en viennent. Hélas, elles ne ressemblent pas, oui, à celles imaginées dans le film Le Cinquième Élément. Faut toujours faire un comparatif avec le cinéma chez Clubic, hein. C'est une maladie, je crois qu'ils ont. Il s'agit plutôt de gros drones tels qu'on les connaît. On va recommencer ça. Il s'agit plutôt de drones tels qu'on les connaît déjà, à l'image du quadricoptère chinois Yihang, présenté au CES de Las Vegas en 2016. Airbus lui-même annonce 2 projets sérieux, l'un pour le fret, l'autre pour le transport des passagers, et les premiers tests se feront à la fin de 2017. Le premier a pour nom le code Vahan, porté par les équipes de A3, qui est une filiale de l'avionneur installée dans la Silicon Valley. Il s'agit d'un véhicule volant, autonome pouvant transporter un passager unique ou du fret, écrit Airbus dans son magazine interne Forum. La plupart des technologies nécessaires, comme les batteries, les moteurs et l'avionique, sont là. On reconnaît néanmoins que Vahana manque encore d'un système de détection et d'évitement des obstacles, un des plus gros défis. Pour essuyer les plâtres, disent-ils, Airbus ciblera donc dans un premier temps les marchandises plutôt que les humains. Certains comme DHL ou Amazon ont déjà investi le terrain avec leurs drones livreurs. Cette fois, par contre, l'ambition est de créer des engins capables de transporter une charge bien plus importante que les 2,3 kg d'Amazon Prime Air. Une fois le système rodé et les autorisations de vol obtenues, la société développera son second projet, baptisé City Airbus. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un système de transport aérien de personnes qui, s'il voit le jour, finira de donner des cheveux gris aux chauffeurs de taxi déjà en run contre Uber. Tu vois, je savais que ça allait faire un lien avec Uber. Airbus a l'intention de s'inspirer du modèle de l'Américain en permettant aux citadins de commander un drone avec leur smartphone. Pour autant, Airbus ne dit pas qu'il va devenir une compagnie de transport concurrençant les sociétés qui existent déjà. On évoque d'ailleurs la possibilité qu'Amazon et DHL soient des clients. On imagine la même chose avec Uber qui ne se cache pas de vouloir un jour émanciper ses millions de véhicules de ses chauffeurs. Airbus, plus précisément sa filiale Hélicoptère, affirme travailler depuis 2 ans à l'élaboration de design d'engins capables de voler sans avoir à attendre de lourds changements réglementaires. Le City Airbus explique que l'avionneur sera dans un premier temps piloté par un humain afin d'accélérer son entrée sur le marché. Il passera ensuite en mode entièrement autonome une fois que la réglementation sera en place. Les villes devraient alors se doter d'héliports et le reste des détails sont sur assemblagerequis.com. On parle entre autres de Elon Musk et ce qu'il en pense. Les Audi communiquent avec les feux tricolores. Jusqu'alors réservés au Japon, les communications des véhicules à infrastructure se concrétisent peu à peu. Après BMW, c'est au tour d'Audi d'interfacer quelques-unes de ses voitures avec les feux de signalisation. Ce qui fait me rappeler que si vous êtes piéton à Trois-Rivières, vous passez par le coin des Forges, le boulevard des Forges près des rivières, il y a des boîtes attachées aux poteaux, aux intersections, et c'est marqué dessus qu'ils font des tests de trafic, des tests de transport. Ça m'intrigue. Sûrement que ça dit dans le journal, puis j'ai pas le journal, c'est mon problème. Les communications, donc V2X pour Vehicle to Everything, qu'elles soient V2I comme véhicule à infrastructure ou V2V comme véhicule à véhicule, sont habituellement présentées ou schématisées avec une liaison sans fil directe entre les différents appareils communicants. Mais cette approche demande le développement d'une nouvelle norme, ce qui n'arrivera pas pour un moment. Certains constructeurs font dès à présent du V2I avec des technologies déjà en circulation. Audi se joint ainsi à BMW pour communiquer avec les feux tricolores via Internet. En l'occurrence, certaines Audi A4 et Audi Q7, fabriquées à partir du 1er juin, pourront se connecter via leur connexion cellulaire 4G aux plateformes de gestion de trafic de villes américaines dans lesquelles elles sont connectées à Internet. En croisant la localisation et le cap de la voiture avec l'état en temps réel des feux tricolores, ces voitures pourront afficher l'état du feu et un compte à rebours. On a parlé il y a quelques semaines que le compte à rebours je me rappelle pas quelle voiture allait arrêter à 3 pour pas que les gens fassent un gros start, parce que j'avoue que si tu fais 3-2-1, ça évite à la course. pas mal. Mais ça s'appelle donc sobrement le Audi Traffic Light Information. Les conducteurs pourront ainsi adapter leur vitesse pour réduire leur consommation et donc leurs émissions. Ils pourront ralentir à l'approche d'un feu sur le point de passer au vert afin de le franchir sans perdre leur élan. C'est effectivement en stabilisant au maximum son allure qu'on consomme et qu'on émet le moins. À défaut, ils prendront plus facilement leur mal en patience. Contrairement à la mise en œuvre bancale de BMW qui s'exécute sur un smartphone et monopolise l'écran central de la voiture au détriment de la carte ou de toute autre fonction, celle d'Audi est autonome et plus aboutie. Elle est affichée entre les deux compteurs au centre du combiné d'instruments virtuels, voire proche sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur si la voiture est équipée de l'affichage Heads-Up Display. Audi communiquera prochainement les villes dans lesquelles ce service sera proposé. Ça a déjà été expérimenté à Berlin et à Ingolstadt, le siège d'Audi en Allemagne, ainsi qu'à Vérone en Italie. Ça me rappelle hier, je prenais l'autobus de la STTR. Tu sais, les fameux autobus de la STTR que tu as le choix de le prendre à 8h30, mais si tu arrives à 8h35, il faut t'attendre à 9h30. Tu sais comment la vie est belle dans ce temps-là, puis tu arrives chez vous à 10h15, genre. C'était de toute beauté, hein. Mais bref, j'étais dans l'autobus. Il y a un GPS dorénavant dans les autobus de la STTR, c'est un avantage incalculable, j'adore ça. Ça dit tout le temps le prochain arrêt va être telle place, donc tu peux ne pas du tout te concentrer sur la place, surtout qu'il fait super noir dehors, donc tu fais juste écouter le nom du prochain arrêt, tu sors, tu bipes quand tu veux. Je trouve ça magnifique. Mais pourquoi est-ce que le GPS, tant qu'à être déjà là, n'est pas envoyé à une application STTR ou à Apple Plan ou à Transit, l'application pour les abattoirs d'autobus, et que ça ne dit pas présentement, là, est-ce que je l'ai raté la bus? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre encore 10 minutes en pensant qu'il est en retard, ou est-ce que je devrais commencer à marcher comme j'ai fait finalement hier? Parce que c'est trop long. Hein? Il pourrait me dire sur Apple Plan, l'autobus est présentement à tel coin, et moi je suis à tel coin, donc je sais qu'elle est en retard et qu'elle va arriver dans les prochaines minutes. Je supplie la STTR de mettre cette option-là. Déjà qu'ils ont un GPS dans le véhicule, donc il n'y a aucune raison. En tout cas, les raisons sont de programmation, d'application, peu importe, blablabla. Mais la technologie est déjà là. Et pourquoi est-ce que, encore une fois, tu as les bocaux avec la monnaie dedans, que le chauffeur doit compter les pièces de monnaie et qu'il y a un petit collant sur ma carte? Pourquoi est-ce que je peux pas faire comme à Montréal et scanner ma carte? Hein? Pourquoi est-ce que le... Je comprends pas. I don't get it! Mais bon, il y a des affaires qui avancent plus vite que d'autres dans la STTR. Que voulez-vous? Je les aime pas. Non, j'ai tout le droit. Une application maintenant qui parle aux conducteurs pour renforcer la sécurité routière. La ville d'Edmonton lance Smart Travel, une application mobile qui parle aux conducteurs pour assurer la sécurité routière. C'est une première au pays. Cette application fonctionnant en mode main libre peut être utilisée pendant la conduite. Les automobilistes pourront désormais être informés verbalement et en temps réel des changements de vitesse, des mauvaises conditions météo et des zones scolaires. Et on envoie également des notifications instantanées pour informer les utilisateurs des problèmes routiers. Dans les zones scolaires, l'application capte l'attention du conducteur en utilisant une voix d'enfant. Je cite, « Nous pensons que les gens seront plus prudents si c'est la voix d'un enfant. » On utilise une voix automatisée comme celle de Google, mais moins ennuyeuse, un petit peu plus enfantine. La ville a indiqué que l'application est conforme à la législation sur la distraction au volant, car elle fonctionne en mode main libre et peut être utilisée pendant la conduite. L'application est gratuite et peut être téléchargée en ligne. Smart Travel, excellente idée. La voiture autonome compte sur Grand Theft Auto pour lui apprendre les bonnes manières, oui. Alors que la ville de Los Santos, dans Grand Theft Auto 5, est loin d'avoir la réputation d'être calme et sécuritaire, le populaire jeu de Rockstar pourrait bien aider les chercheurs à améliorer l'intelligence artificielle des voitures autonomes, nous dit branchezvous.com. Plusieurs groupes de recherche exploitent désormais Grand Theft Auto 5 pour former, pardonnez-moi, les algorithmes destinés aux voitures autonomes qui parcourront nos routes d'ici peu. C'est en effet ce qu'on apprend aujourd'hui sur le blog du MIT Technology Review. Bien entendu, l'idée n'est pas d'inciter une intelligence artificielle à adopter le comportement erratique des citoyens de Los Santos. On cherche plutôt à mettre à profit, les paysages virtuels incroyablement réalistes qu'on retrouve dans les jeux modernes afin d'alimenter un algorithme en images et en situation dans le but d'améliorer sa perception des éléments du monde réel. Pour une équipe de scientifiques de l'université de Darmstadt en Allemagne, le tout se passe dans Grand Theft Auto 5. En collaboration avec l'équipe Deltel Labs, ces derniers ont mis au point une méthode pour extraire les données visuelles du jeu afin d'améliorer la reconnaissance d'objets via l'apprentissage machine, le fameux procédé plus connu sous le nom de machine learning. Puisqu'il est difficile de recueillir suffisamment de données réelles, donc des vidéos de paysages urbains, pour permettre à ce procédé d'atteindre un niveau satisfaisant, la simulation de l'un, donc le jeu, vient contribuer à la simulation de l'autre. On sait que la gang de Rockstar de Grand Theft Auto travaille énormément fort pour faire une copie d'une ville, donc ils sont au courant de ce qu'ils font. La notation des données du monde réel est une opération coûteuse, je cite ici, et les approches actuelles ne s'adaptent pas si facilement. Donc, avec des environnements artificiels, on peut facilement recueillir des données précisément annotées avec une quantité considérable de variations de paramètres d'éclairage et de climat à une bien plus grande échelle. Nous avons démontré que ces données de synthèse sont presque aussi bonnes, voire parfois meilleures, que l'utilisation de réelles données dans le cadre de l'enseignement d'un algorithme. Tandis que les chercheurs privilégient une approche tirant profit d'environnement virtuel, d'autres entreprises souhaitent nourrir les concepteurs de voitures autonomes en données véritables. C'est notamment le cas de Uber, qui a annoncé le mois dernier vouloir colliger les données de sa flotte de véhicules pour améliorer ses connaissances topographiques des villes dans lesquelles elle opère dans le but de revendre l'information à ce type d'entreprise. Et est-ce que c'est la dernière nouvelle de voiture? Je vais juste m'en assurer. Oui, la dernière nouvelle de voiture. Une Chevrolet électrique qui se conduit avec une seule pédale. Une conduite à la fois plus confortable et économique, la Chevrolet Bolt EV proposera un mode de conduite à une seule pédale permettant de varier l'allure jusqu'à l'arrêt seulement avec l'accélérateur. Les voitures électriques ont déjà apporté de multiples transformations sur le plan mécanique et technologique. Elles apporteront en plus des évolutions en matière de conduite. Et on ne veut pas parler ici de pilote automatique qui n'est pas spécifique à l'électrique, mais bien de conduite traditionnelle. General Motors annonce effectivement qu'il proposera un mode de conduite à une seule pédale. Les voitures électriques permettent déjà de conduire à 95% sans recourir à la pédale de frein. C'est un effet collatéral du freinage régénératif. Au lieu de l'évacuer sous forme de chaleur sous l'effet de la friction des freins, les voitures électriques retransforment l'énergie cinétique. En énergie électrique lors des décélérations en inversant la chaîne de propulsion. Le moteur devient, pour ce faire, un puissant générateur électrique, ce qui entraîne une forte résistance et apporte une grande puissance de freinage. Le freinage régénératif permet de conduire une berline de 2,3 tonnes telle que la Tesla Model S, quasiment exclusivement avec la pédale d'accélérateur. Lever le pied permet de ralentir suffisamment dans la quasi-totalité des situations, y compris au centre-ville, mais il faut utiliser les freins pour les tout derniers kilomètres heure. La nouvelle Chevrolet Bolt EV devrait porter le taux d'utilisation de la seule pédale d'accélérateur à 100%. Le mode de conduite à une pédale permettra de rehausser l'autonomie de 5% dans les situations de trafic discontinu, donc le stop and go. En plus de renforcer la fluidité et le confort de conduite, ce mode aura donc des vertus énergétiques. Malheureusement, bien qu'on utilisera presque jamais les freins, ce qui réduira d'ailleurs leur usure, on devra déclencher un mode régénératif supérieur en actionnant manuellement une palette Rigid on Demand au volant. La Chevrolet Bolt EV américaine sera, pour rappel, commercialisée ça vous intéressera peut-être pas, mais en Europe, ça s'appellera l'Opel Ampera E. Mais pour l'Amérique du Nord, ça va être la Chevrolet Bolt EV. Voilà, c'est tout pour le bloc CNX numéro 1 sur les nouvelles du futur et sur les voitures. On a des nouvelles un petit peu plus généralistes sur Microsoft et autres trucs comme ça dans un deuxième bloc qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. Mais avant ça, un album complet de musique du jeu vidéo WarioWare DIY. C'est une bonne façon, disent-ils, de dire au revoir à la fonctionnalité Nintendo Wi-Fi Connection qui a été éteinte dans les derniers mois. Où est la date de l'article ici? C'est pas la date de l'article? Tumblr, ça sert à quoi? Hein? Pourquoi ne pas me marquer la date? Ça fait quand même longtemps, je pense. 2 ans environ. C'était le 20 mai 2014, voilà. Donc, on a arrêté la Nintendo Wi-Fi Connection et on a fait un album dans ce temps-là pour rendre hommage à WarioWare DIY. 5 artistes réunis pour faire un album. Donc, voici la pièce Goodbye Wi-Fi DIY par Dual Mode Records. La pièce s'appelle Import. MPS, le Mathieu Plante Show sur site. à C'est à vous pour l'écouter. 89.1. Up and out straight through the night. We looked down, around, and inside. Bits of light in all directions. Illuminate our imperfection, shining brightly. La pièce And Everything in It sur l'album Somewhere Something Incredible par Alone in the Universe du chip rock avec des extraits vocaux. On aime ça les pièces de chiptune qui chantent. J'essaie d'en jouer le plus possible parce que je trouve que c'est plus accessible, c'est plus le fun, ça me divertit pas mal. Mais là, c'est le deuxième bloc de Cynix. Et on commence avec une nouvelle qui est un petit peu entre les deux par rapport à ce qu'on a fait tantôt sur les nouvelles du futur et les nouvelles de voitures. Donc on parle d'un brevet pour empêcher le téléphone au volant de la part de Microsoft qui a breveté une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vise à protéger au maximum les conducteurs souhaitant consulter leur téléphone portable. Le téléphone au volant a beau être interdit, les personnes peu respectueuses continue toutefois d'en faire usage, quitte à provoquer un accident. Chez Microsoft, on estime que ce sont les jeunes conducteurs les moins responsables et ce sont précisément eux que cible le nouveau brevet. Baptisé Mobile Device for Safe Driving, le système mis au point est capable de repérer lorsqu'une personne est au volant, mais également d'analyser son comportement. Si le chauffeur a une conduite dangereuse ou fait un excès de vitesse, le smartphone transmettra une notification. Mais Microsoft veut aller encore plus loin avec ce concept. La société décrit deux niveaux de conduite. Le premier s'adresse aux débutants et chacun des écarts commis par le conducteur est jugé dangereux. Ce sera également communiqué à ses parents. Un second niveau propose d'effectuer des appels en mode main libre. En jugé par les croquis accompagnant le brevet, le mécanisme fut initialement conçu pour les smartphones équipés de Windows Phone, pour les deux ou trois qui restaient. Microsoft ne cible plus désormais les consommateurs au sens large, mais restreint sa stratégie à quelques groupes, qu'il s'agisse de professionnels ou des utilisateurs avancés. D'ailleurs, Microsoft a récemment fermé le Kids Corner, ou le monde des enfants en français. Okay, qu'est-ce que ça a à voir avec les articles des fois? Il y a des détails par rapport. Donc, cette fonctionnalité sera peut-être pas un jour implémentée au sein de Windows 10 Mobile. Ensuite, un drone tricoptère, et c'est le plus rapide du monde. À l'occasion du salon Interdrone qui se tenait récemment donc à Las Vegas aux États-Unis, le fabricant YI Technology a dévoilé son nouveau drone tricoptère baptisé Il Herida. Doté d'une caméra ultra HD et d'une coque en fibre de carbone, il est annoncé comme le drone grand public le plus rapide du monde. Reste à voir si son prix sera aussi élevé que ses performances. Le Il Herida fait ses débuts à l'exposition, à Interdrone 2016 de Las Vegas qui se tenait du 2 au 7 septembre. C'est le premier drone grand. Je viens de me rappeler que la semaine passée, on n'avait pas assez eu de temps à cause des affaires d'Apple pour faire du Scénix, donc c'est des restants de nouvelles que j'aurais fait la semaine passée sinon. Donc c'est le premier drone grand public réalisé en fibre de carbone, doté d'une caméra vidéo ultra HD 4K et d'une vitesse maximale de 120 km/h. Ce nouveau drone apporte la simplicité d'utilisation qu'attendaient les consommateurs et ses fabricants. Et ses fabricants pensent qu'il pourrait devenir le produit qui rendra enfin abordable au grand public la performance professionnelle. En décidant de construire la coque entièrement en fibre de carbone, il a créé avec l'Herida un drone solide tout en étant léger, et cette légèreté a pour conséquence son agilité, sa facilité de manœuvre et sa faible consommation en batterie. Les essais préalables ont montré qu'en atteignant la vitesse maximale de 120 km/h, il pouvait rester en vol jusqu'à 40 minutes. Les trois groupes de rotors se replient pour faciliter le transport du drone au sol, et comme il ne nécessite pas de télécommande, il est piloté par une application smartphone. Son transport sur de courts trajets est facilité. Enfin, c'est le seul drone du marché qui intègre une caméra d'action, donc une action cam qui peut filmer en résolution 4K, 30 images secondes, pendant 120 minutes. Capable de filmer automatiquement, la caméra dispose en outre de toute une variété de contrôles manuels destinés aux photographes et vidéastes professionnels, leur permettant de capturer plusieurs types d'images statiques ou en mouvement. Pardonnez-moi, excuse-moi, j'ai pas fait exprès de tousser dans le micro. On reste dans les drones. À un homme qui fabrique son propre avion pour aller travailler. Devoir prendre sa voiture, matin et soir, parfois même le midi pour certains, pour aller travailler peut vite devenir très embêtant. C'est aussi et surtout une énorme perte de temps quand on y pense, nous dit Uber Gizmo. Fatigué de prendre 14 minutes tous les jours pour aller au bureau. Ah, il se plaindrait vraiment de mon 25 à 30 minutes aller plus le retour par jour. Donc, ce bricoleur passionné de République tchèque s'est construit un avion. À 45 ans, František Adrava mettait entre 12 et 14 minutes en voiture pour se rendre dans la petite usine de Drevostroj, dans le petit village de Skin. Depuis 2 ans, l'homme travaille sur un avion ultra léger basé sur un design de Minimax. Il lui faut environ 12 à 14 minutes en voiture. En avion, ça pourrait lui prendre 4 à 5 minutes. Wow. C'est genre la moitié. Ah, mais il fait un petit détour pour pas déranger les gens trop tôt le matin, alors ça lui prend 7 minutes. Il a vraiment sauvé tellement de temps. Il peut dormir le matin, wow! František Adrava fait atterrir son petit coucou de 175 kg seulement, fabriqué presque entièrement en bois, dans un champ juste en face de l'usine, et le pousse ensuite à la main sur le parking. Vampira, c'est le nom de ce petit avion, embarque un moteur 3 cylindres et consomme 6 litres par heure. Il peut atteindre la vitesse maximale de 91 km/h, pas mal pour une création qui n'aura coûté que 100 000 couronnes tchèques. 100 000 couronnes tchèques, évidemment, c'est en dollars canadiens. il fallait que je marque euro en lettres, hein, euro en dollars canadiens. Faut-il que je marque euro avec un S tant qu'à faire? C'est précis, pas mal, hein. Je sais pas, je pense que je l'aurai pas. Finalement, euro? Oui, ça fait 5 500 $ canadiens. Hey, Google, il faut que tu marques exactement la phrase telle quelle. Un dirigeable chinois maintenant pour aller dans l'espace. Le tourisme spatial est actuellement le rêve de quelques sociétés américaines. Virgin Galactic, X-Corp, Blue Origin ou encore Worldview. Toutes ont dévoilé des projets pour envoyer de riches passagers aux abords de l'espace. Mais aujourd'hui, une société chinoise, Quangchi Science, vient de se lancer donc en faisant décoller des ballons dirigeables. Selon China Daily, Quangchi Science investirait 1,5 milliard de dollars dans le développement, ça c'est américain, dans le développement d'expériences futuristes diverses, y compris un voyage dans l'espace qui offre une expérience à quelques 24 km au-dessus de la Terre, ce qui est juste en dessous de la frontière de l'espace. Légèrement exagéré comme communiqué, cette limite était davantage celle de la ligne de Kármán située à 100 km d'altitude. Toujours est-il que selon le site de Quangchi, l'expérience à bord de la capsule Traveler, je cite, vous amènera à faire un voyage confortable dans l'espace comme jamais vous en avez fait. Le design de l'appareil vous offrira même le confort d'une limousine, disent-ils. Ce nouveau système de vol spatial décollerait de Hangzhou à l'est de la Chine, monté jusqu'à 24 km, 2 ou 3 heures de vol, puis une descente tout en douceur, c'est le programme. Un programme d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler celui de Worldview, la société américaine qui veut envoyer 6 passagers dans une cabine pressurisée à 30 km d'altitude. Finalement, quand je disais qu'on avait terminé le bloc sur les véhicules, tantôt je ne sais pas ce que j'avais en tête, on continue avec Mercedes-Benz qui va mettre des drones sur les toits de ses camions. Les drones sont à nos portes, on en parle sans cesse, et les spécialistes de la livraison n'attendent plus que les autorisations pour que ce soit le cas. Mercedes-Benz Vans, constructeur d'utilitaires professionnels, s'est associé avec le fabricant de drones de la Silicon Valley, Maternet, pour imaginer le camion de livraison du futur. Dans cette vision du futur, le conducteur amènerait son camion dans le quartier où plusieurs livraisons sont à faire. Arrivé à une adresse, il s'occuperait manuellement de livrer un paquet, tandis que les deux drones sur son toit seraient envoyés en livrer deux autres pas si loin. Ce Vision Van avec ses deux drones totalement électriques a été présenté à Stuttgart il y a très peu. Une solution entièrement connectée pour suivre à la trace les livraisons. Selon Maternet, les drones M2 peuvent porter jusqu'à 2 kg, et couvrir 20 km, oui, sur une zone de 10 km de rayon. Ils peuvent évidemment voler en environnement urbain et rural. Et ils possèdent un parachute pour atterrir en douceur en cas de soucis techniques. Toujours en transport, le bus géant évite les embouteillages. Vous vous souvenez d'avoir entendu cette nouvelle-là à plein d'émissions de radio, plein d'endroits sur Facebook. Et bien, Colin, c'était un fake. C'était une supercherie. Quelques semaines après la présentation d'un prototype roulant de bus enjambeur censé solutionner les problèmes d'embouteillage en Chine, on apprend que le projet était une coquille vide destinée à lever des fonds auprès d'investisseurs crédules. Pourtant, l'ingénieur à l'origine du concept assure qu'il poursuit l'aventure. Donc, on s'en souvient, il y a quelques mois de ça, on parlait d'un straddling bus, un concept de bus électrique géant imaginé par la société chinoise Transit Explorer Bus. Et bien, cet été, un prototype fonctionnel qu'on peut voir dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com avait été dévoilé dans la ville côtière de Qinhuangdao, située à environ 300 km de Pékin, Beijing. De quoi faire taire les sceptiques qui doutaient de la faisabilité d'un tel engin imaginé il y a plus de 45 ans par deux architectes, Craig Hodgetts et Lester Walker, qui voulaient repenser la ville de New York aux États-Unis. Donc le straddling bus, qu'on pourrait traduire par un bus chevauchant, était un bus électrique dont la largeur de 7,8 mètres occuperait l'équivalent de deux voies de circulation. L'engin était perché à 2,2 mètres et il roulait sur des rails intégrés de part et d'autre de la chaussée, des dimensions suffisantes pour que les voitures circulant sur les deux voies parallèles puissent passer sous le bus comme si elles traversaient un tunnel. Grâce à cette configuration si particulière, un tel bus pourrait embarquer jusqu'à 1400 passagers et rouler à une vitesse maximale de 60 km/h, selon Song Yuzhou, l'ingénieur qui a imaginé ce bus du futur. Le coût n'excéderait pas 15% de celui d'un métro. Et ben, Colin, c'était complètement faux. Alors qu'on croyait que le projet était en bonne voie, voilà qu'on apprend qu'il s'agissait en effet d'une banale arnaque. En effet, suite à la présentation du prototype, des journaux chinois avaient fait part de leurs doutes sur la viabilité technique du straddling bus. Trop haut pour passer sous les ponts, trop bas pour pouvoir laisser passer certains véhicules de type utilitaire, pas adaptés pour la circulation urbaine. Le quotidien The Economist nous apprenait donc qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une opération publicitaire destinée à lever des fonds via les plateformes de prêt en ligne qui sont très populaires en Chine. Des investisseurs privés, souvent des particuliers, peuvent ainsi confier leur pécule pour soutenir des projets avec à la clé la promesse d'une rentabilité de plus de 10%. Ça fait un petit peu genre dans la gueule du dragon, dans l'aquarium du requin, dans la bouche du je sais pas quoi. Dans l'antre du dragon, voilà. Grâce à ce dispositif, Bai Ziming, l'homme d'affaires qui se cache derrière le lancement de Straddling Bus, a réussi à récolter 26 millions de dollars auprès de 200 investisseurs. Ces derniers réclament désormais la restitution de leur argent. Et pourtant, selon le site china.org, Le projet ne serait pas abandonné. La société Transit Elevated Bus Technology aurait même signé un accord avec la ville de Qinhuangdao afin de créer une ligne de 120 km pour faire rouler son drôle d'engin. Visiblement imperturbable face à la polémique, Song Yuzhao aurait même imaginé que si d'aventure son bus ne voyait pas le jour, un musée pourrait lui être consacré pour honorer le souvenir de ce prototype ambitieux. Wow! Non, on se prend pas pour argent, hein? Maintenant, dans les nouvelles un petit peu plus téléphone cellulaire, Samsung qui brevette un smartphone exécutant Android et Windows en même temps. Samsung vient de, donc le pire système et le pas si pire système. Samsung, devinez lequel est lequel, vient d'obtenir les droits d'un nouveau brevet, lequel décrit un smartphone capable d'exécuter en même temps deux systèmes d'exploitation. Par le passé, il y a eu des constructeurs comme Geekzphone qui proposaient aux consommateurs de sélectionner le système d'exploitation de leur choix, mais une fois installé, c'était impossible de revenir en arrière. Il y a eu également des tentatives de dual boot, par exemple le Samsung Active Q, mais ce dernier n'a jamais été commercialisé. On se souvient aussi que pour faire la promotion de Windows Phone, Microsoft avait tenté de négocier avec les constructeurs partenaires de Google sur Android afin de proposer Windows Phone en dual boot. D'ailleurs, la firme de Redmond a déposé un brevet en ce sens. Google aurait toutefois exercé une pression sur ses partenaires pour bloquer l'initiative. Mais Samsung ne s'est pas découragé et cette fois, le constructeur coréen envisage un smartphone capable d'exécuter simultanément deux systèmes d'exploitation, plus précisément Android et Windows Phone. Ce brevet a été déposé à l'origine en mai 2015 et représente un smartphone de la gamme Galaxy faisant usage du mode multi-window, aujourd'hui disponible sur les terminaux Android du constructeur coréen. Les deux systèmes sont alors étroitement liés au sein d'une même interface. Reste qu'il ne s'agit que d'un brevet et rien n'indique que Samsung va mettre au point un tel appareil dans le futur. J'ai envie de continuer avec... Oh, j'ai fermé un onglet trop, je m'excuse, attention, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais y aller avec celui-là. Un ancien ingénieur Apple de renom a été recalé pour un poste au Genius Bar. L'histoire de cet ancien ingénieur Apple ayant grandement participé à la migration de OS X sur la plateforme d'Intel x86, qui aurait été recalé à un poste dans un Genius Bar d'Apple, donc ça fait le tour du net. Elle soulève la délicate question de la discrimination sur l'âge dans la Silicon Valley. Dans son éditorial pour le New York Times, l'auteur Ashton Apple White... Ça fait déjà biaisé Apple fanboy, Apple White, évoque la discrimination de l'âge dans le milieu professionnel. Il donne l'exemple de J.K. Sheinberg, ancien ingénieur chez Apple ayant postulé pour un emploi de représentant du soutien technique dans un Genius Bar d'un magasin Apple. L'homme travaillait pour Apple de 1997 à 2008, l'année de sa retraite. Il officia notamment sur les premières builds d'OS X pour le processeur Intel. Selon lui, pas moins de 3 intervenants lui auraient dit qu'il reprendrait contact concernant cet emploi au Genius Bar sans jamais avoir de nouvelles. Et ce n'est pas la première fois qu'Apple se voit accusé de préférer d'embaucher des personnes plus jeunes. Michael Kass, 60 ans à l'époque, avait poursuivi Apple en 2010 après avoir vu les employés avec moins d'ancienneté avoir une promotion. C'était dans un magasin d'Orlando. L'homme mettait tout ça sur le compte de son âge avancé. Apple, évidemment, n'a pas fait de commentaires. Parlons d'Apple, les AirPods, vous avez probablement vu passer les écouteurs sans fil d'Apple annoncés avec le iPhone 7 la semaine dernière. On avait parlé de ça en direct parce que ça avait lieu pendant l'émission, la couverture de ça. Bref, pour ceux qui pensent qu'ils vont perdre leurs écouteurs, parce que vous savez, vous allez pouvoir, si vous perdez un des deux écouteurs, en acheter un individuellement. Ou si vous avez besoin des deux, ben en acheter deux. Mais évidemment, vous allez payer le plein prix, ce qui est complètement normal. Là. Si vous perdez quelque chose, c'est votre problème. Là. On s'entend qu'ils sont pas pour vous donner des affaires gratuites, puis vous allez dire « Ah, je les ai perdus! » Et tu fais un cadeau, tu sais. Je comprends pas les gens qui sont fâchés contre ça. Mais bon, donc moins d'une semaine après l'annonce des nouveaux écouteurs sans fil AirPods qui ont dérouté les fans de la marque, une entreprise a trouvé une solution pour tous ceux qui se demandent comment faire pour ne pas les perdre. C'est un cordon pour les relier à la manière de ceux qu'on attache aux paires de lunettes ou encore aux écouteurs Bluetooth avec un cordon entre les deux. Moi, je préfère cette formule-là. J'aime bien avoir un cordon entre les deux pour pouvoir les lâcher dans le cou sans avoir à les mettre dans un petit sac ou quelque chose ou les laisser sur un comptoir. Donc, le produit s'appelle AirPods Strap. C'est commercialisé par la marque Spigen et ça rapporte, c'est selon Engadget. Au design blanc épuré, ce cordon prévu pour être antineux est déjà disponible en précommande sur Amazon US au prix de $10 américains. Évidemment, ça va avec les quoi, 160 je crois, dollars, 170 dollars, peut-être même 180, ou je sais plus. Bref, c'est dans le coin de 200$ les AirPods, mais la technologie qu'il y a dedans est assez incroyable. Bref, je suis pas là pour vanter les produits Apple parce que c'est ce que je fais dans ma vie personnelle. Le strap peut même facilement s'enrouler autour de l'étui des écouteurs. Waouh! C'est comme des écouteurs avec des fils! Une preuve donc que les innovations d'Apple font les heureux chez les fabricants d'accessoires, nous dit le Huffington Post. Allons-y avec, tiens, ça c'est étrange quand même, toujours en matériel. Logitech qui abolit le clic de la souris. Ça me dérange, ça. C'est comme Apple qui enlève le clic du bouton d'accueil parce que ça va être un bouton avec tactique, donc c'est plus un vrai bouton physique. Même chose pour les MacBook. Donc bref, les M220 Silent et les M330 Silent Plus ne font quasiment plus de bruit quand on clique sur leur bouton. Elles fonctionnent aussi sans fil. Au salon de Berlin, le constructeur Logitech annonce deux souris sans fil plutôt originales car elles jouent la carte du silence. Plus de clics qui peuvent déranger les collègues de travail. C'était tellement dérangeant. Moi, je suis bien... Je trouve vraiment plus gossant le clavier de souris ou les gens qui sapent en mangeant que les clics de souris. Mais bon, chacun son dérangement. Hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Selon Logitech, ces souris sont dotées d'une technologie qui réduit le bruit de plus de 90% quand on appuie sur leur bouton. On ne peut que souhaiter que le constructeur arrive au même résultat avec les claviers. Voilà, c'est ce que ça dit. Les M220 Silent et M330 Silent Plus sont livrés avec un petit récepteur USB qui va jusqu'à 10 mètres de portée. Et ça fonctionne indifféremment sur tous les ordinateurs, que ce soit Windows, macOS, Chrome OS ou Linux. Avec une pile 2A, elles offrent des autonomies respectivement de 18 et de 24 mois. La M220 Silent est ambidextre, tandis que la M330 Silent Plus est destinée aux droitiers et bénéficie de contours en gomme. Les souris M220 et M330 Silent Plus et Silent Plus coûtent les plus sont en euros, là. Mais c'est des petites souris cheap, là, comparées aux vraies là, belles souris Mixmeister, de peu importe, qui coûtent 200 quelques dollars. Que je préfère parce que je suis une... Attention, tous ensemble, pute de luxe. Pour l'électronique, je m'assume. Maintenant, en jeu vidéo pour terminer, Nintendo réalise le rêve de 500 enfants. Oui, les rêves peuvent devenir réalité. C'est ce que Nintendo a prouvé aux élèves de Montcalm, une école d'un quartier défavorisé de Montréal, en réalisant leur rêve, une immersion dans leur univers vidéoludique préféré. En effet, dans un élan de générosité au début du mois de septembre, et pour les remercier de leur soutien, Nintendo a décidé de leur offrir une fête de la rentrée scolaire qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est principalement grâce à la détermination de Ian Clément. C'est son prénom. Oui, c'est son prénom. Ça va pas ensemble du tout, hein, mais c'est son prénom. Passionné de Nintendo et de son instructrice Karine Jean-Barthe. Jean-Barthe étant son nom de famille. Et ce serait aussi un très laid prénom, mais c'est son nom de famille. Que cette célébration a été rendue possible lors de cette fête bien spéciale qui s'est tenue donc le 2 septembre à l'école Montcalm. Les 500 élèves ont notamment eu accès à des jeux Wii et Nintendo 3DS et à des stations de maquillage. Ils ont dégusté du Blizzard. Ils ont eu la chance de rencontrer la mascotte Luigi. J'imagine que Mario n'était pas disponible. Ils ont reçu même un petit cadeau. Un événement heureux qui démontre bien que, petit ou grand, avec un rêve et de la détermination, tout est possible. Oh, merci Microplay pour cet article. Et pour terminer, une nouvelle que j'ai choisie parce que moi, je trouve importante. L'émulateur Dolphin prend désormais en charge tous les jeux GameCube. Plus aucun jeu GameCube ne résiste désormais à l'émulateur Dolphin, qui prend maintenant tout ça en charge, maintenant que l'ultime jeu qui lui faisait la résistance est émulé avec succès. Jusqu'à présent, l'émulateur Dolphin prenait en charge tous les jeux de GameCube, sauf un seul Star Wars The Clone Wars, sorti il y a 14 ans, qui utilise la mémoire mappée de la console de Nintendo, lui permettant de réorganiser à la volée son utilisation de la RAM, une caractéristique qui rendait le jeu difficile à émuler et entraînait souvent le crash de l'émulateur. Pour ceux qui savent pas, faut quand même inclure tout le monde, là, l'émulateur, c'est un logiciel qui permet de jouer à des jeux vidéo qui sont disponibles en ROM. Donc on prend un jeu vidéo, on le rip, on l'enlève, on fait une copie sur un fichier, et le fichier peut être lu par l'émulateur sur un ordinateur Mac ou PC avec une manette USB ou peu importe. Bluetooth, c'est le fun. Donc, résultat, Dolphin peut désormais exécuter tous les jeux sortis officiellement sur GameCube avec moins de risques de plantage qu'avant. Reste que les titres comme Star Wars The Clone Wars, en raison de leur utilisation spécifique de la mémoire, sont un peu plus lents que les autres, entre 8 et 15%. Si la prise en charge des jeux s'effectue sur de multiples plateformes, plus la machine est puissante et plus le résultat est convaincant. On rappelle que si télécharger un émulateur n'a rien du tout d'illégal, l'accès aux ROM eux-mêmes est soumis aux droits d'auteur. Vous n'avez pas le droit de jouer, donc je vous le déconseille fortement de ne pas aller sur Google taper Dolphin ou ROM. Nintendo donc s'oppose fermement à l'émulation de ses titres, mais l'entreprise ne propose aucun jeu de GameCube sur sa console virtuelle, fait que ça excuse tout. Non, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de dire ça, mais moi, en tant que tel, j'aimerais jouer à des jeux de GameCube parce que j'aime beaucoup ça. Et la manette de la Wii U et de la Wii n'a pas de trigger analogue. Les boutons qui sont sur le dessus de la manette sont numériques. Donc c'est soit on ou soit off. Alors que sur la GameCube, la manette est analogue, donc le bouton s'enfonce à différents degrés. Et ça, tu peux seulement faire ça sur un PC si t'as pas une GameCube. Donc, en tant que tel, comment veux-tu être fâché contre nous de le faire? Ça motive les fans à contourner la loi, comme on dit. Vous pouvez télécharger Dolphin 5.0 sur la Logitech de Quebec.com, mais ça, je l'ai pas dit. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Quand même, on est déjà arrivé à la fin. On a eu tellement de nouvelles aujourd'hui. Ça s'est défilé à un rythme fou. Mais on se dit au revoir. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, comme toujours, notre case horaire sera le mercredi entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis. Je ne suis pas certain de la case horaire. On va vous revenir là-dessus, mais on sait que ça va être les jeudis à midi, au moins pour une des rediffusions. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Programmation complète sur cif.ca, note de l'émission balado diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Restez à l'écoute pour Audiomatique le mercredi. J'ai été planté. Bye bye. Salut, bye. C'est le 89.9.